La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. La grande visite aujourd'hui à Albanel, on a reçu l'ex-Olympien Jean-Luc Brassard et il y a toute une histoire en arrière de la visite de Jean-Luc Brassard. Et avec moi, j'ai la directrice de l'école Sainte-Lucie d'Albanel, Nadia Tambay. Bonjour Nadia. Bonjour. Nadia, si on parlait un peu, c'est tout un... Pour quelle raison que Jean-Luc Brassard, fraîchement débarqué de Pyeongchang, est atterri à Albanel? Effectivement, c'est tout un privilège qu'on a eu. En fait, c'est on s'est inscrit à justement à les ambassadeurs sportifs. On pouvait s'inscrire et demander à ce qu'il y ait un ambassadeur. Donc, il y avait 4 ambassadeurs qui représentaient cet organisme-là. Donc, on devait inscrire notre école. Et puis, on a eu la chance que Jean-Luc nous choisisse, en fait. Donc, il a voulu lui-même venir à Albanel rencontrer les jeunes de notre école. Donc, c'est de cette façon-là. C'est l'enseignant d'éducation physique qui a fait la demande. Puis, on a été accepté. Mais là, je pense qu'il y a eu un travail de fait 2 semaines avant, hein? Les jeunes. Hein? Oui, tout à fait. Bien, dans le fond, c'est parce que ça correspondait aussi avec un projet école qu'on avait. Okay. Étant donné qu'il y avait des Jeux olympiques cette année à Pyeongchang, nous, on a fait des Jeux olympiques qu'on appelle de la fraternité de notre école, mais c'était toujours en lien avec ce qui se passait. C'était quoi, justement, ces Jeux-là? Okay. Exactement. C'est pendant 2 semaines, on a prolongé les récréations de 10 minutes. Ah, c'est bon. Puis, on a divisé toute l'école en 5 pays. Okay. Puis, donc, on mélangeait les maternelles jusqu'aux 6e année. Puis, il y avait des épreuves à toutes les récréations. Là. Il y avait de la glissade. On représentait le bobsleigh, par exemple, pour traîner des toboggans. Là. Donc, c'est ça. Il y avait des jeux de cerceaux, des jeux de course. Il y avait des médailles? Non, parce que c'était la fraternité. Donc, c'était absolument pas compétitif. C'était vraiment là, dans le but de s'amuser et avoir du plaisir. Il n'y avait aucun pointage associé à ça. L'exercice, on a vu les jeunes, ils étaient enthousiastes, les jeunes. Puis je pense qu'il va rester quelque chose de ça. Hein? Oui, les jeunes sont vraiment dans l'ambiance, dans le sujet. Ils savent c'est quoi les Olympiques. Puis eux-mêmes se sentent interpellés parce qu'ils participent eux-mêmes. On a même fait une cérémonie d'ouverture. Et cet après-midi, il va y avoir une cérémonie de fermeture. On fait ça quand même en grand. Les enfants ont préparé des numéros. La polyvalente de Normandin vient avec sa musique-étude nous faire des pièces pendant que nos pays vont défiler avec leurs drapeaux. Donc, on est vraiment en lien avec les vrais Olympiques. Et puis, Nadia, on s'est regardé toutes les deux, justement, quand il y a eu l'hymne national. C'est quelque chose? Oui, bien, je pense que c'était notre moment émouvant. Oui, c'est Mme Joanne Drapeau qui a montré la chanson, notre enseignante en musique qui a montré la chanson aux élèves. Donc, il était bien préparé et c'était magnifique. Merci beaucoup et bonne chance encore une fois. Merci beaucoup. La directrice générale de l'École Sainte-Lucie d'Albanel, Nadia Tremblay.